Tu es là en face de moi et je te regarde avec mes yeux. Ouh. Je baisse la lumière et je te sers une petite coupe de champagne. Et je te mets Barry White sur la plate laser. Je fais glisser ma main jusqu'à mon autre main. Et c'est le moment que je choisis pour te proposer une petite cigarette. Oh baby. Faire ce que je n'ose pas te dire, te dire ce que je n'ose pas faire. Faire ce que je n'ose pas te dire ce que je n'ose pas faire. N'écoutant que mon corps, je décide alors d'entamer quelques pas avec ma coupe de champagne que je renverse allègrement sur ton sac à main. Splash. Et c'est le moment que je choisis pour te brûler avec ta cigarette. Alors là, tu te lèves et tu me dis que tu t'en vas. Mais tu t'en vas. Tu t'en vas pour partir ? Non, c'est juste que... Bon, non, mais je croyais que... Non, mais c'est pas grave, je te raccompagne. Non, c'est pas la peine. Bon, tant pis alors. À bientôt. J'aimerais bien faire ce que je n'ose pas te dire. J'aimerais bien te dire ce que je n'ose pas faire. J'aimerais bien faire ce que je n'ose pas te dire. J'aimerais bien te dire ce que je n'ose pas faire. J'aimerais bien faire ce que je n'ose pas te dire. J'aimerais bien te dire ce que je n'ose pas faire. J'aimerais bien faire ce que je n'ose pas te dire. J'aimerais bien te dire ce que je n'ose pas faire. Lui dire combien elle est jolie, combien je me la rêve. D'ailleurs combien, je sais pas moi, mais plein. Ce que je n'ose pas te dire. J'aimerais bien faire ce que je n'ose pas te dire. Te dire ce que je n'ose pas faire. J'aimerais bien faire ce que je n'ose pas te dire. Te dire ce que je n'ose pas faire. J'aimerais bien faire ce que je n'ose pas te dire. Te dire ce que je n'ose pas faire.